train tracks. They're going around the corner. There's a big crash there. There's a car who lost it. On se dit au revoir là-dessus. Ça me fait autant plaisir que me fourrer le cul sur un cactus. Dernier lapsus sur mon bloc note. Je dis pas adieu mais à plus. Comme ça je finis l'album sur une bonne note. Dévale la pente, les paysages défilent à la vitesse d'une vie d'artiste. Factice, comme le sourire quand on se présente. Chaud nous complaisant, quoi tu crois que je plaisante? Ça pardonne pas comme un crash à 150. Je me débarrasse des tâches comme un séfarade d'état. Quand les gars font s'endorment, je te laisse 16 parabéda. Vaut plus c'est inventable comme un diamant 13 carapéta. Le fond, la forme, inséparable et d'art. J'ai écrit chaque ligne de ce projet en me disant je pourrais faire mieux. Y a-t-il un voile sur ma paire d'yeux? UDGHH était ma société, non mais sérieux. Autant vous le dire, je vais pas me faire vieux. Big up les potes et à tous ceux qui sont allés au bout. Je fais pas ce rap qui paye les patchs, je dois m'en aller au bout. C'était Prési pour Opus Crew, on a là où trop facile. P.